Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guémozo 107 FM. Nous sommes le lundi 17 mai 2021, il est un peu plus de 14h, il est 14h01 précisément. C'est Chris, vous êtes dans Fréquence Libre et pour cette nouvelle édition, je reçois dans nos locaux à Saint-Étienne les Remiremont, Maddy Besson, qui est là pour nous parler de son livre quelque peu autobiographique intitulé « Je comprends, il était une fois le burn-out et moi ». Bonjour Maddy. Bonjour Chris. Comment ça va? Ben bien, merci de me recevoir ici à Saint-Étienne-lès-Remiremont. Avec plaisir. Donc nos auditeurs et nos auditrices sont habitués. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Oui, alors je suis licenciée en formation d'adulte et j'ai moi-même été victime d'un burn-out il y a 15 ans. Et par rapport à ce burn-out qui m'a été détecté il y a 15 ans, c'était relativement méconnu. D'ailleurs, j'ai été surprise que le médecin, qui était très avant-gardiste, me parle de ça. Et la première chose que j'ai fait à l'époque, ça a été de taper sur le clavier « burn-out ». Et quand j'ai lu sur Internet « maladie psychique des gens qui ne savent pas dire non », là, j'ai été révoltée, indignée. Et donc, j'ai cherché à comprendre, j'ai fait un long parcours de recherche sur le sujet. Quand, en 2018, l'association Ralentir pour vivre à Lévoivre s'est constituée avec des médecins, j'ai eu le plaisir de travailler avec la psychiatre qui est de l'association sur la recherche sur ce sujet. Et on avait fait une conférence tout public. Et suite à la conférence tout public, vu les réactions des personnes qui assistaient, j'ai ressenti le besoin d'écrire quelque chose et de dire vraiment ce que j'en pensais. Voilà. D'accord. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, donc votre livre est le burn-out. Quel a été votre parcours scolaire et professionnel, on va dire? Riche en expériences, on répond souvent. D'accord. Riche en expériences divers. Scolaire moyen, je suis arrivée au bac, mais j'ai pas franchi le pas. Ensuite, j'ai été plutôt dans des métiers plus manuels, dans la restauration. Ensuite, j'ai été dans l'informatique, ce qui était quand même relativement différent. Et puis, lors de mon passage dans cette grande holding d'informatique, j'ai eu un burn-out violent. D'accord. Donc, comme nous venons de le dire et comme vous venez de le dire à l'instant, vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler de cet énorme épuisement que beaucoup de personnes connaissent malheureusement au travail à cause, par exemple, d'une surcharge incessante de travail ou autre, un mal-être que vous avez du coup vous-même vécu, le burn-out, et vous avez retranscrit votre expérience, votre vécu dans ce petit livre de, on va dire, 85 pages à peu près, que je tiens actuellement entre mes mains, ouvrage quelque peu autobiographique intitulé « Je comprends, il était une fois le burn-out et moi », c'est bien ça? Mmh, voilà. Tout à fait. Comme nous en avons un petit peu parlé en off, la couverture, la première couverture, c'est vous qui l'avez réalisée. Oui. C'était un tableau que vous avez fait. Oui, ça fait partie de l'art-thérapie que je pratique. D'accord. L'art-thérapie, quelle art-thérapie? La peinture, le chant, le théâtre, enfin toutes ces choses qui nous permettent de nous recentrer. D'accord. Donc quand ce livre est-il sorti? Il est sorti fin avril. Avril 2021, donc c'était le mois dernier. Oui. Même, il n'y a même pas un mois, du coup. Donc, nous allons développer ce sujet tout au long de cette heure d'émission. Mais ce mal-être, le burn-out, donc, peut se manifester de différentes manières, pour différentes raisons. Donc, comment s'est-il manifesté pour vous et dans vos états, on va dire, physiques et mentaux? Alors, j'aimerais rembobiner la question. D'accord. Revenir à la source de la question. D'abord, le burn-out, c'est ce que j'explique un peu dans ce livre, c'est un grand mot. Mm-hmm. J'aborderais même le terme presque gros mot. D'accord. C'est-à-dire que c'est un mot qui est relativement mal interprété dans le sens qu'il est raccroché à l'individu, comme si l'individu était malade. Or, c'est ce que j'explique dans ce livre, l'épuisement, c'est, pour faire très simple, c'est un stress chronique sur la longue durée. D'accord. Là, je ne peux pas faire plus simple et plus clair. C'est effectivement un stress chronique qui fait qu'à un moment donné, on a le corps qui se dérègle parce que le fonctionnement des hormones se dérègle. D'ailleurs, dans l'association ralentirpourvivre.org, on peut le voir sur le site, il y a un petit film de l'INRS qui montre très bien que l'organisme humain supporte le stress, mais de manière ponctuelle. C'est-à-dire comme le mammouth du temps des cavernes, y arrivait un mammouth, pof pof, on stressait, hoc, et après on se relaxait. Donc le corps humain est fait pour fonctionner comme ça, mais un stress sur la longue durée, le corps humain n'est pas fait pour fonctionner comme ça. Il y a un dérèglement hormonal qui fait que tout se déglingue. Alors moi, comment je l'ai vécu? Ben, je l'ai vécu, tout s'est déglingué. Après un stress, je dirais, énorme, puisque j'ai travaillé justement dans l'informatique pendant 7 ans, d'une manière, on va dire, une pression qui était faite sur nous, qui était phénoménale. On travaillait, je dirais, 70 heures par semaine, c'était normal. Et on était toujours sous pression. Alors, probablement qu'il y avait aussi d'autres facteurs de pression. On peut effectivement raccrocher ça au monde du travail, mais on peut aussi raccrocher ça à une maladie de la société où on a un espèce de culte de l'urgence, on a un espèce de culte de la compétition, de la concurrence exacerbée, une manie d'évaluation, parce que on doit toujours être sous cette pression. Il y a aussi le burn-out maternel, la pression peut s'exercer de toutes les manières dans différents secteurs. Donc je l'ai vécu dans mon secteur, parce que c'était un secteur professionnel à l'époque, comme une pression énorme. Et alors mon corps a commencé à se déglinguer de toutes les façons. Donc ça passait par beaucoup de mots différents. D'accord, ok. De plus, vous ne faites pas qu'écrire pour parler de ce stress chronique. Vous donnez également des conférences sur ce sujet. Donc, est-ce que vous faites d'autres choses pour faire connaître ce stress chronique et tout ce que ça engendre, d'autres choses que l'écriture et donner des conférences? Oui, on fait aussi de l'improthéâtre. D'accord. Où on avait fait, avant le Covid, évidemment, le burn-out des agriculteurs, parce que c'est important aussi de le mettre en avant, parce que c'est un sujet qui, effectivement, ils ont une pression financière énorme. C'est ce que j'explique d'ailleurs dans ce livre. Et ce que j'explique quand même dans le burn-out, ce qui est important, c'est que on cherche des causes psychologiques. Mmh. On cherche, c'est ce que j'explique en donnant l'exemple du philosophe Alain qui disait, on cherche toutes les explications psychologiques à l'enfant qui pleure, il ressemble à son père, à sa grand-mère, c'est de la filiation ou autre, pour s'apercevoir, mais là ça date d'une époque que vous n'avez pas connue, que l'aiguille, l'épingle à nourrice de la couche lui pique les fesses, en gros. Donc en quelque sorte, le burn-out, c'est un peu ça, on cherche beaucoup de causes psychologiques, et en fait c'est assez simple. L'être humain est fait pour une alternance mouvement-repos, mais n'est pas fait pour être sous pression de manière permanente. D'accord. Donc, justement, en écrivant ce livre, donc, je comprends, il était une fois le burn-out et moi. Quel était votre objectif ou quels étaient vos objectifs? Vouliez-vous faire prendre connaissance et prendre conscience aux lectrices et aux lecteurs de la réalité du burn-out? Alors, la première idée, ça a été que j'avais un besoin de m'exprimer. Et quand on écrit, l'avantage, c'est qu'on écrit en face d'une feuille. Mmh. Il n'y a personne en face. Donc, on peut vraiment dire tout ce qu'on pense. Et de dire ce que j'en pensais. D'après mon vécu, d'après ce que j'avais vraiment passé comme épreuve et autres. Et en même temps, mon but, ça a été d'expliquer qu'il y a des façons de s'en sortir. Et donc, de donner un déclic aux personnes qui lisent ce livre. Parce que, depuis un mois qu'il est sorti, il y a des gens qui ont eu des déclics en disant « Ah ben là, je sais comment je vais m'en sortir ». Donc c'est en quelque sorte, je ne donne pas une solution, je donne des idées qui proposent des solutions et qui, chez chacun, seront différentes. Mais ce livre est aussi pour proposer des solutions. D'accord. Et donc, avant d'être diagnostiqué, je ne vais pas utiliser ce terme parce que c'est un peu trop médical, mais avant d'apprendre que vous aviez le burn-out, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Est-ce que vous connaissiez l'existence de ce mal-être, de ce stress chronique? Non, parce qu'il y a 16 ans en arrière, je peux vous assurer que c'était strictement inconnu. D'accord. Okay, donc même vous, c'était tout nouveau, vous ne saviez pas ce qui vous arrivait. Complètement. Et quand on m'a dit, c'est la maladie psychique de ceux qui ne savent pas dire non, j'ai éclaté de rire et en même temps, j'ai eu une révolte intérieure terrible, parce que si je disais non, la porte était ouverte à mon licenciement. Bien sûr. Donc c'était, je trouvais que c'était, d'ailleurs je l'explique dans ce livre, je trouvais que c'était quand même malsain que vraiment on profite de ma bonne volonté de travail, de m'investir, et en même temps quand j'avais un accident, parce que c'était un accident de travail en quelque sorte, c'était une maladie professionnelle, et après on me dit ah, mais oui, mais c'est toi qui es coupable. Mais je ne suis pas coupable d'être victime. Donc, c'est vrai. C'était ça vraiment qui était important pour moi d'expliquer dans ce livre. D'accord, et justement, dès les premières pages de ce petit fascicule, comme vous le dites, de ce petit livre, vous utilisez des termes très forts comme camp de concentration intérieur ou encore cachot psychique invisible et sournois. Donc est-ce que c'était vraiment là l'état dans lequel vous étiez pendant cette période de votre vie? Est-ce que vous aviez cette impression de ne plus avoir aucune issue? Oui, je pense que c'est un des symptômes majeurs de l'épuisement. Pour ne pas parler de burn-out, pour ne pas employer ce gros mot, on va dire là. D'accord. Mais épuisement, le facteur majeur et le symptôme majeur, c'est vraiment se sentir piégé. D'accord. Je pense que toutes les personnes que j'ai écoutées pendant 15 ans, puisque je me suis penchée sur la question et écouté beaucoup de monde, ont toutes dit la même chose, on se sent piégé. Parce que la fatigue engendre chez l'être humain cette espèce de, comment on va dire, on se sent vraiment mais petit à l'intérieur, sans pied sous terre, complètement écrasé et piégé comme un animal piégé. C'est-à-dire on est vraiment, et c'est ce sentiment qui fait que ça provoque, ce qu'il faut le dire, l'épuisement provoque une douleur. Bien et sûr. Des souffrances énormes, mais qui ne sont pas visibles. C'est pour ça que je parle de camp de concentration intérieure, parce que c'est vraiment intérieur, mais ça ne se voit pas. C'est pas palpable. Oui, on peut toujours faire bonne impression devant les autres, mais au fond de soi, c'est pas la joie, quoi. C'est ça. D'accord. Et en fait, pouvons-nous dire que cet état de stress chronique est une accumulation de plein de choses, que ce soit votre état physique et psychique, que la réaction de vos anciens collègues, de vos anciens supérieurs de l'époque? J'imagine que ça n'a pas aidé, que ça a vraiment causé cet état. C'est-à-dire que, si vous voulez bien, c'est un petit peu comme les maladies. Ben, on peut parler du Covid, par exemple. Hein. Ben voilà, on est en plein dans quelque chose, là. Eh bien, y a les peurs des autres qui font réflexion sur nous, c'est-à-dire qu'elles nous reviennent. Et donc, les peurs, parce que c'est pour ça que je dis le burn-out, c'est presque un grand mot, un gros mot, parce que ça fait peur. Le nombre de fois que j'entends quelqu'un qui me dit « Ah, mais moi, je ne vais pas être en burn-out », comme si on décidait ça. Or, on ne le décide pas. Quand on est sous pression chronique, on ne décide pas d'y être ou de ne pas y être. Bien Et sûr. Donc, c'est la peur des autres qui fait qu'ils s'écartent. Comme quand vous avez une maladie, ben on voit bien le Covid. Est-ce que j'ose lui toucher la main? Est-ce que j'ose l'approcher? Est-ce que on a peur? On a peur de ça. Et c'est la peur qui vraiment crée une espèce de je dirais d'angoisse à la personne qui est atteinte, parce que c'est pénible de voir la peur des autres. On est déjà nous-mêmes dans une anxiété terrible, et en plus on voit les autres qui nous projettent leurs yeux de peur. C'est quelque chose de terrifiant. Je veux bien vous croire, parce que vous avez vécu ça. J'imagine bien la situation, que ça n'a pas du tout dû être pas du tout facile. Donc, on va un petit peu surmonter le moral. Il est 14h14. Oui. Donc, avant de poursuivre, je vous propose de nous lancer tout de suite dans une toute première fréquence, comme j'aime à l'appeler, dans une première pause musicale que vous avez choisie, et que nous écoutions Jean-Claude Vorgy, chanteur et musicien de la région d'ailleurs, de Vihoncourt plus précisément, avec son titre Liégeancourt. Donc on écoute cette chanson de Jean-Claude Vorgy et on se retrouve juste après. Donc à tout de suite. Partout et toujours, les gens courent. Seraient-ils en retard pour je ne sais quel départ? Où s'en vont-ils chercher un Eldorado caché, un trésor enfoui dans les vagues du temps? Aveugles et sourds à tout ce qui les entoure, ils ne prennent pas le temps de jouir du printemps, d'écouter les chansons venues des quatre saisons, de se sentir vivant au souffle du vent. Mais se poser, s'allonger sous le ciel, fermer les yeux, goûter le soleil, et s'oublier loin de l'effervescence, dans la douceur de l'existence. Le pas empressé, l'agenda saturé, les je n'ai pas le temps, désolé on m'attend, tyrannie de la montre, tu tu les vraies rencontres. Fatale allégeance au règne de l'urgence. Il y a dans l'ivresse de cette folle vitesse le signe, l'aurore d'une violence qui dort. Désir de puissance où les gommènes la danse. Tout faire vite est mieux en tutoyant les dieux. Mais se poser, s'allonger sous le ciel et s'abandonner à l'essentiel. En célébrant dans cette apesanteur les bienfaits de la lenteur. Partout et toujours, les gens courent, voudraient-ils de ce pas précipiter leur trépas? Plutôt se duper de pouvoir en réchapper en rejetant l'évidence du temps. Partout et toujours les gens courent, les gens courent. Partout et toujours les gens courent. Partout et toujours les gens courent, les gens courent, les gens courent. Les gens courent, les gens courent, les gens courent, les gens courent, les gens courent. Les gens courent, les gens courent, les gens courent, les gens courent, les gens courent, les gens courent, les gens courent. Vous êtes de retour sur Radio Guémozo, vous êtes toujours en direct, il est 14h, presque 18, vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur nos applications mobiles et web, Radio Line et Orange Radio partout en France. Vous venez d'écouter Jean-Claude Borgi avec son morceau Les gens courent, vous nous écoutez peut-être chez vous, au travail ou encore sur la route, si c'est le cas, évidemment, comme je le dis à chaque fois, soyez prudents. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux à Saint-Étienne-lès-Remiremont de Maddy Besson qui est là pour nous parler entre autres de burn-out et de son livre presque autobiographique, Je comprends, il était une fois le burn-out et moi. Ça va toujours ? Oui, parfait. Parfait. Donc nos auditrices et nos auditeurs sont habitués. J'aime beaucoup poser cette question après une pause musicale. Pourquoi avoir choisi cette chanson, Les gens courent, de Jean-Claude Borgi ? Ah, ça c'est une excellente question. Merci. Oui. Alors, d'abord, Jean-Claude est un ami, donc j'apprécie beaucoup ses chansons. Et puis, je trouve que c'est tellement beau quand il dit « allongé sur la plage, au soleil ». C'est-à-dire, c'est ce côté courir, et je reviens à ce que je vous ai dit auparavant, le stress ponctuel est bon. Ok, il est fait pour l'individu, l'être humain est fait pour ça. Donc évidemment qu'il faut faire les choses, être bien synchro dans ce qu'on fait, et puis ensuite se reposer. Et je trouve que dans cette chanson, il explique bien que les gens courent, les gens courent, les gens courent, mais est-ce qu'ils pensent à se reposer ? Eh oui. Est-ce qu'ils pensent réellement à se reposer ? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas certaine qu'ils pensent réellement à se reposer. C'est ça où je me pose des fois la question. Alors, ça, c'est encore une autre question. D'accord. Donc, on va reprendre le cours de cette émission. Nous en parlerons plus en détail un petit peu plus tard. Mais pouvons-nous dire que cette expérience vous a permis d'avoir un autre regard sur la vie et sur le monde qui vous entoure, d'avoir en quelque sorte un regard neuf ? Oui, je pense. D'ailleurs, c'était un des points d'achoppement qui a eu lieu lors des conférences. C'est-à-dire que j'avais dit dans ces conférences que le burn-out était en quelque sorte une opportunité. D'accord. Donc quand j'ai employé le mot d'opportunité, ça a surpris certains, voire choqué d'autres. Une opportunité de pratiquer l'art de vivre. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'était un mal pour un bien. D'accord. C'est-à-dire que le fait qu'on souffre et qu'on veuille sortir de cette souffrance, on se met à pratiquer l'art de vivre. L'art de vivre, c'est que, comme je l'explique dans ce livre, c'est réapprendre à manger tranquillement, mmh, à ne pas avaler tout rond, mmh, à se coucher à des heures, on va dire, chrétiennes, puisque on fabrique de la mélatonine, qui est l'hormone qui nous aide à nous endormir, entre 9h et 11h le soir, en gros, hein, vers 10h du soir. Donc c'est vrai que si on s'habitue à se coucher à 2h du matin, on n'aura pas ce qu'on appelle un sommeil réparateur. Donc effectivement, c'est un réapprentissage pour vivre différemment, une qualité de vie et non plus une quantité de vie. Alors, il est évident, et ça je l'explique dans le livre, c'est-à-dire qu'il est évident que quand on est en plein dans le moment où on tombe, où on est victime de ce burn-out, c'est difficile. C'est un petit peu un sac de nœuds. Mm-hmm. C'est un peu le dragon à sept têtes. C'est-à-dire, on ne sait pas très bien par où commencer. Évidemment, puis il faut manger, comme on le dit. Mais bon, manger, c'est une question, comme je l'explique aussi dans le livre, une question de baignoire. Combien le contenant à l'heure et bon, combien on doit gagner pour arriver à vivre. Voilà, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution. Il y a toujours des solutions médiumes. C'est-à-dire, à un moment donné, peut-être opter pour un 60% plutôt que pour un 100%. Ou opter pour un changement de voie parce que effectivement ben, c'est peut-être moins rémunérateur mais c'est plus nourrissant au point de vue je dirais intérieur hein. Et donc je pense qu'effectivement c'est une autre manière de voir la vie vraiment. D'accord. Et vous faites également partie d'une association qui s'appelle donc l'association Ralentir pour vivre. En vous impliquant énormément dans cette association, quel est votre souhait et d'ailleurs quel a toujours été votre souhait quand vous êtes entré, on va dire, dans cette association? Alors mon souhait, il est simple. Je vais le donner en une phrase. C'est que il me paraît important que le burn-out soit reconnu comme une maladie de société. Et non pas comme une maladie que l'individu développerait par une sorte de malformation personnelle. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, c'est pas l'individu qui a un problème majeur, quoique je comprends que c'est un choix qu'il fait, mais dans quelle mesure il fait ce choix ? Est-ce qu'il n'est pas influencé par une société qui le pousse à un toujours mieux, à un toujours plus ? Donc, il y a quand même, je dirais, l'environnement. Pour parler d'environnement, je donne souvent l'exemple de la marguerite. Elle est magnifique, la marguerite, dans un beau terrain qui lui permet de s'épanouir et d'avoir tout ce qu'il faut comme nourriture et tout dans la terre. Bien sûr, il y aura peut-être des marguerites dans le goudron, mais dans une route qui sera un peu fendillée, va sortir une marguerite. Mais elle aura eu beaucoup de peine, elle aura beaucoup souffert et elle sera beaucoup plus pénible pour elle. Donc en fait, l'individu, c'est l'environnement qui le construit. C'est quand même ça. Donc je pense qu'effectivement le message principal pour moi de cette association, c'est d'expliquer aux personnes qui sont victimes d'un burn-out qu'ils ne doivent pas être coupables, qu'ils ne doivent pas se sentir coupables d'être victimes de ce burn-out comme si c'était un problème à eux. Non, c'est un problème d'environnement. Et ça, à mon avis, dans l'association, c'est le message principal qu'on veut faire passer. Surtout que, comme vous le dites, la personne touchée ne doit pas se sentir coupable d'être victime. Et si on prend ces deux mots, coupable et victime, ce sont littéralement deux antonymes. Donc, ils ne peuvent pas aller ensemble. On ne peut pas être coupable et victime à la fois. Non, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et ce que je trouve difficile, c'est que justement, dans toutes ces personnes qui ont un burn-out, on a l'impression de dire oui, mais c'est de sa faute. Mm-hmm. Oui, tout est relatif, hein, comme dirait Einstein, tout est relatif. Hein. Donc, je suis assez frileuse là-dessus parce que, non, je ne pense pas que l'individu, il est dans un environnement, il fonctionne, je dirais, influencé par cet environnement, influencé éducationnellement. D'ailleurs, je termine le bouquin en disant « J'étais éducationnellement maltraitante avec moi ». Est-ce qu'on a l'éducation d'être bienveillant avec soi ? Et je pense que pour sortir du burn-out, il faut commencer par être bienveillant avec soi. En effet, d'accord. Donc, dans votre livre, et comme nous le voyons déjà sur la première de couverture, il y a les deux mots « je comprends ». Et ces deux mots, ils reviennent quand même assez souvent dans le fascicule, dans le livre. Donc, en répétant ces quelques mots « je comprends », quel était votre objectif ? Alors, on ne peut pas parler d'un objectif, on peut parler d'une expérience. C'est-à-dire qu'en fait, après avoir eu ce burn-out, et puis pendant pas mal d'années, bien plus d'une dizaine d'années, je me suis rendu compte que de vouloir aider des personnes en essayant de les convaincre, en essayant de leur expliquer ce que j'avais vécu et comment elles pouvaient éviter ça, je les faisais plus souffrir qu'autre chose. D'accord. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai fait cette constatation, j'ai compris qu'en répondant, et donc ça a été presque ma réponse simple et succincte à chaque fois que quelqu'un me raconte, je ponctue par oui, je comprends. Et dans ce je comprends s'inclut, je comprends ce que tu es en train de souffrir, je comprends ce que tu es en train de vivre. Seulement, moi, je ne peux rien pour toi. La personne, c'est une décision. D'ailleurs, ce livre, c'est aussi pour donner des déclics, pour que les gens se disent « Ah oui, mais là, je pense que chacun doit se prendre en charge et se porter soi-même. » Voilà. D'accord. D'ailleurs, nous en parlons un petit peu plus tard, mais vous faites aussi une comparaison dans l'ouvrage avec Atlas, le fameux titan qui doit porter le ciel, enfin la voûte, le monde entier sur ses épaules. Mais nous en parlerons un tout petit peu plus tard dans cette émission. Donc, est-ce que vous diriez que ce petit livre a quelque part une certaine dimension de développement personnel pour vous et ou pour vos lectrices et lecteurs? Alors, je vais déjà répondre à la question par un avis sur le mot. Je n'aime pas ce mot développement personnel. D'accord. Je suis licenciée en formation d'adulte, ce qui est en quelque sorte effectivement lié. Alors, je parlerai plutôt de développement de la personne, ou en tout cas de, je dirais, d'outils qu'on peut donner à la personne pour qu'elle-même puisse se prendre en charge en quelque sorte. Je dirais, c'est un petit peu comme voilà, quelqu'un me dit je veux faire la cuisine, ben, je lui dis écoute, en premier tu devras déjà avoir des casseroles, hein, et bien puis sûr. Peut-être aller au marché, hein, parce que si tu veux faire de la cuisine, ou en tout cas voilà, donc on donne des outils et après la personne fait sa cuisine en quelque sorte. Donc développement personnel, je n'aime pas parce que c'était beaucoup galvaudé. D'accord. Et qu'il y a beaucoup de gens dans ce métier qui veulent donner des conseils. Et que ce livre n'est en tout cas pas un livre de conseils. Il est un livre de vécu. Je dis avec sincérité et toutes mes tripes ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu, et ce que j'en ai ressorti comme apprentissage personnel. Quelqu'un d'autre va pouvoir en ressortir son apprentissage à lui. Ça peut lui donner un déclic, mais ce n'est pas un conseil. D'accord. J'aime ouais. pas ça, le D'accord. conseil. Voilà. D'ailleurs, le burn-out ou ce stress chronique est parfois encore tabou, même dans la société d'aujourd'hui, au XXIe siècle. Donc, selon vous, est-ce que ça devrait être moins tabou? Est-ce qu'on devrait en parler davantage, que ce soit dans les journaux, à la télé, à la radio ou autre? Oui, je pense que il y a... Moi, ce que je rêverais, associativement parlant, c'est qu'on fasse un MeToo. D'accord. Alors ça, c'est mon vœu le plus cher. Un MeToo, c'est-à-dire qu'on dédramatise... Un peu comme avec l'inceste, ce qui s'est passé avec dernièrement. Un MeToo, ça veut dire on accepte de dire qu'on a été victime et on ne se présente plus comme coupable. Le MeToo, c'est ça. Et je trouve que oui, dans la société, on devrait pouvoir dire MeToo. Oui, moi aussi. Alors, c'est pas moi aussi et je vais trouver tout de suite des solutions, mais moi aussi, j'accepte de dire que je suis arrivée dans ce genre de situation sans en avoir honte. D'accord, donc c'est pour ça on devrait en parler davantage pour faire peut-être connaître un peu plus ce qu'est le burn-out, et donc pour recevoir des conseils de certaines personnes qui, comme vous, s'en sont sorties. Je dirais, pas pour recevoir des conseils, mais parce que là, je reprends. Non, je dirais que d'en parler... Il y a déjà, d'ailleurs je le dis dans le livre, il y a déjà 80% de la démarche qui est faite. Mmh. C'est-à-dire, et comme dans tout d'ailleurs, psychologiquement parlant, dès qu'on commence à parler, à échanger, on est déjà... par exemple, l'addiction de l'alcool, on dit bien qu'ils se mettent autour d'une table et ils doivent dire au départ dans l'association « je suis alcoolique » pour pouvoir ressortir de cet alcoolisme. Toute addiction, on doit déjà la dire. Dire, voilà. Donc, je dirais dans le stress chronique, dire, ben oui, moi aussi, je suis dans le stress chronique. Voilà. Et là, à partir de ce moment-là, il n'y a même pas besoin de conseils. Je pense que rien que les échanges donneront des idées fabuleuses à chacun, qui mettra à sa sauce, à sa manière, à sa... Et puis, alors par contre, et ce n'est pas un conseil, ça donne envie quand quelqu'un s'en est sorti. C'est vrai. Parce qu'on se dit, ah, si lui l'a pu, moi aussi je pourrais. Donc ça donne, je dirais, sans être dans le conseil, ça donne un espèce de déclic. Ah oui, mais alors ça veut dire que moi aussi je peux trouver la solution à ma façon. D'accord, un genre d'exemple à suivre. Oui, d'expérience. D'accord, ok. D'ailleurs, dans ce livre, vous dénoncez également, et comme vous l'avez dit un petit peu plus tôt dans cette émission, le fait que certains employeurs minimisent ce mal-être sous prétexte d'un certain rendement économique. Oui. Donc dites-nous en plus sur ça. Ben, je dirais que comme c'est mal vu, comme en fait c'est vu comme une maladie, on prend trois cachetons puis on repart au job, en gros, hein, on va être clair, oui. Hein, on va pas tortiller pour dire les choses. Effectivement, il y a des... Alors, je vais aller plus loin dans le raisonnement. Il y a des entreprises, peut-être pas les PME, mais je dirais les plus grosses entreprises, qui n'ont pas le choix parce qu'ils ont eux-mêmes la même pression depuis tout en haut. Donc, en fait, si vous voulez bien, c'est une espèce de château de cartes. Tout le monde... enfin, c'est les poupées gigognes aussi. Tout le monde est pressé par l'autre, par l'autre, par l'autre, par l'autre. Et donc, effectivement, la seule chose qu'ils ont dans la tête, c'est... Bon, ben moi, une fois rendement, hein. Il faut que ce soit rentable, c'est tout. Et bon, ok, t'as fait 15 jours, ça suffit, t'as assez reposé, rentre au boulot. Donc en gros, c'est ça. Et je ne mettrai pas un terme de culpabilité là-dedans. Je mettrai simplement un fonctionnement de société. Et moi, j'ai entendu hier justement une amie qui me racontait qu'il y a des PME qui en prennent conscience, qui ont conscience que dans des entreprises, il faut qu'il y ait de la communication, que quand quelqu'un a trop à faire, qu'il puisse le dire, qu'il dise là, stop, moi je ne peux plus. Je ne vais pas passer mes week-ends en famille à travailler. Alors, je pense que cette conscience commence à se mettre en place. Maintenant, il y a des entreprises qui n'ont pas le choix parce qu'elles sont pressées depuis tout en haut, depuis tout en haut, puis ça presse. Et puis, on peut imaginer que si ça presse depuis le 15e étage, quand on arrive au rez-de-chaussée, la pression, elle est forte. Oh, j'imagine bien, oui. Voilà. D'accord. Et vous dites également dans votre livre que, épisodiquement, des séquelles de ce stress chronique réapparaissent. Cela veut-il dire, selon vous, qu'une personne atteinte de burn-out ne sera jamais totalement remise ? Alors, je dirais que quelqu'un qui a vécu un stress chronique sur un long terme a eu un dérèglement hormonal qui a fait que, à un moment donné, alors, c'est pas une maladie qu'on souffre, mais c'est comme un traumatisme. Je vais vous donner une autre métaphore. Par exemple, ceux qui sont trouvés au Bataclan et qui ont assistés et qui ont été au milieu de la fusillade. Bon, à chaque fois qu'ils vont se retrouver dans un environnement qui y ressemble, ils vont avoir les mêmes angoisses intérieures. D'accord. C'est ce qu'on appelle les troubles post-traumatiques. Et comme, à mon sens, le burn-out n'est pas une maladie, mais un traumatisme, hein, même si le stress sur le long terme met longtemps à faire effet, c'est un traumatisme. Il y a ce qu'on appelle les troubles post-traumatiques. C'est-à-dire qu'après, il faut être attentif, mais dire, ben voilà, je suis peut-être pas dans le même environnement au bout d'un moment, puis de faire la nuance, mais ça demande beaucoup de travail sur soi, oui. D'accord. Et dans votre livre, vous parlez également de la société qui évolue, pas toujours dans le bon sens du terme, malheureusement, en voulant faire de l'être humain un être machine. Donc, selon vous, est-ce que cette transformation, entre guillemets, de l'être humain en un être machine peut, malheureusement, une nouvelle fois, favoriser les risques de burn-out ? Ah ben, j'enlèverai peu et j'enlève risque. Ça favorise. D'accord. Ça favorise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et justement, j'avais cette discussion hier, la machine, on lui demande même moins qu'à l'être humain. Parce qu'une machine qui chauffe, on l'arrête. On ne va pas dire « Allez, continue !» Tandis que l'être humain, il a un cerveau à qui on peut parler, et on lui dit « Allez, continue !» Et non, ça favorise. Tant qu'on n'aura pas pris acte que l'être humain est un être qui a besoin de mouvement et de repos, qui n'est pas conçu pour un stress chronique, tant qu'on n'aura pas pris acte de ça, on sera dans cette situation. D'accord. Et en lisant votre livre, une phrase m'a plutôt marqué, elle se trouve à la page 42, je cite « Suite à un burn-out, le paradigme change, nous ne sommes plus les porteurs du monde et nous devenons les porteurs de nous-mêmes ». Fin de citation. Pour nos auditrices et nos auditeurs qui ne connaîtraient pas forcément ce mot « paradigme », c'est tout simplement une représentation du monde, une manière de voir les choses, un point de vue. Donc cette phrase donc peut paraître si anodine quelque part, mais derrière se cache un grand sens. Donc Parlez-nous de ce grand sens. Alors, ça reflète aussi la société. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il est de bon ton d'être altruiste, de s'occuper des autres, de soutenir. Je trouve ça très bien en soi. Très bien. Et puis, dans le travail, on a aussi ce concept de dire « Oui, mais sans moi, qu'est-ce que ça va devenir ?» Mais oui. Qu'est-ce que c'est... mais je suis essentielle. Cette espèce de d'idée que le monde ne tourne pas sans nous. Et ce fameux complexe d'Atlas, c'est ça, c'est-à-dire Atlas, il tenait la voûte céleste et, et il était porteur du monde. Et je pense qu'une fois qu'on a passé ce concept, une fois qu'on s'est rendu compte que, et je citerai un autre dicton qui est aussi ancien, mais que le cimetière est peuplé d'indispensables, hein. Donc une fois qu'on a enlevé de sa tête qu'on est indispensable ou qu'on va manquer quelque chose ou en tous les cas cette espèce de d'idée que tout tourne autour de notre nombril, non, je pense que même sans nous le monde continue et se porter soi-même, ça veut dire aussi renverser le paradigme, c'est-à-dire renverser le concept, ça veut dire une fois qu'on se porte soi-même, on est aussi plus altruiste. C'est là l'ambiguïté de la chose, parce qu'on a plus à offrir aux autres. On a un sourire, on a une gentillesse, on a des choses à offrir, puisque nous-mêmes, on s'est déjà pris en charge, soigné, et été bienveillant avec nous-mêmes. Donc après, on a quelque chose à offrir. Et je pense que ce qui est important, c'est ça. D'accord. Et donc justement, juste après ce passage que j'ai cité juste avant, s'en sont suivies la citation de Montaigne. Donc je cite, « Il faut se prêter à autrui et ne se donner qu'à soi-même », fin de citation, ainsi que qu'une des citations de Socrate, donc philosophe. Je cite à nouveau, « Connais-toi toi-même », fin de citation. Là aussi, nous comprenons vraiment le sens que vous vouliez faire passer en écrivant ce passage, en écrivant ce livre, et en comparant l'humain qui se compare lui-même, parfois, comme on le dit, à Atlas, ce fameux titan condamné à porter le monde sur ses épaules pour toujours. Donc en lisant ces deux citations et ce que j'ai dit juste avant, nous remarquons directement que finalement, le plus important, la personne la plus importante dans l'histoire, c'est nous-mêmes. Oui, et je pense que ça, c'est fondamental pour sortir de l'épuisement, c'est-à-dire être bienveillant avec soi, se donner l'importance. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on pourra construire un monde nouveau. D'accord, c'est joliment dit. Donc il est 14h38, avant de nous pencher encore davantage sur tout ça, je vous propose de nous lancer dans une toute nouvelle fréquence, dans une deuxième pause musicale que vous avez choisie une nouvelle fois, et que nous écoutions cette fois, donc Raya Joe m'a dit, avec le titre Citron Pressé, titre que vous interprétez d'ailleurs. Donc est-ce que ça vous va qu'on écoute ce morceau? Tout à fait. Alors on vous écoute du coup chanter en enregistrement, et on se retrouve juste après. Sois derrière, tout en avant, sois le premier. Reste devant, mon grand, sinon gare à ta tronche. T'auras le coup dans la gueule. Va en avant, sois pas songeur. T'es le gagnant, cours tout le temps. Machine un zéro, tu deviendras la fracture, tu la paieras. Acte masqué, citron pressé, foutu vité, ils vont te balancer. Reste le suivant, va sans arrêt, tout en avant, même à bout de souffle. Sois à la pointe, mon gars. Tes fesses, t'auras le coup dans le dos. Reste pas glandeur, sois un battant. Consomme du temps, reste à niveau. Va dans le troupeau, mon gars. Sinon, gare à tes fesses, t'auras le coup dans le dos. Bouffé par la machine à zéro, viendra la fracture, tu la verras. Acte masqué, citron pressé, foutu vidé, ils vont te balancer. Sois au top, marche au pas, reste dans la course, numéro au loto, c'est le gagnant de tacte masqué. T'es un citron pressé, foutu vidé, ils vont te balancer. Vous êtes de retour sur Radio Gémozo, vous êtes toujours en direct, il est 14h41. Vous nous écoutez toujours sur le 107 FM localement ou sur nos applications mobiles et web, Radio Line et Orange Radio partout en France. Nous venons d'écouter mon invité du jour justement avec son titre Citron Pressé, titre que mon invité a fait avec une petite bande de copains. Oui, c'est ça. On était une bande de copains. Il y avait Raphaël, il y avait Yannick et il y avait Jonathan. Et puis, c'est vrai qu'on a fait ça il y a une dizaine d'années, 8-9 ans, comme ça. Et c'était un peu cash à l'époque. Et j'avais encore de la colère à l'intérieur quand j'ai fait cette chanson. Maintenant, je dirais que c'est peut-être plus d'époque d'être cash, parce qu'on dit des choses, voilà. Je vous remercie beaucoup, voilà. Avec plaisir. Donc, est-ce que vous passez un bon moment dans notre compagnie? Ah, excellent. Parfait. Excellent. Donc, on va reprendre le cours de cette émission. Vous parlez également de stimulus dans le chapitre 4, chapitre intitulé « Le chemin de la résilience ». Et comme vous dites, un stimuli est tout ce qui peut provoquer quelque chose chez quelqu'un, provoquer une excitation chez un être vivant. Donc, dans le cas du burn-out, pensez-vous qu'il est important d'avoir des stimulus pour remonter la pente? Et si oui, pourquoi? Justement, il est important de ne plus en avoir. D'accord. C'est plutôt l'inverse. Je dirais, on a des stimuli visuels. Mm-hmm. Dans tout ce qu'on voit déjà sur les écrans, sur tout ce qu'on voit un peu dans tout ce qui est autour de nous, que ce soit ça bouge beaucoup dans les villes, ça bouge beaucoup partout, et puis on a toujours quelque chose qui nous demande de regarder, qui nous demande, alors, et puis il faut être à droite, il faut être à gauche, et puis tout le temps quelque chose qui nous stimule, donc je pense qu'à un moment donné, il faut éteindre. Complet. D'accord. Éteindre, pour, oui. Pour se recentrer sur soi-même. Pour se recentrer sur soi-même, que la nature, à mon avis, est le meilleur endroit. Mm-hmm. Je me souviens il y a 15 ans en arrière avoir fait des promenades avec un jeu très amusant que je me faisais, parce que on a cette espèce d'habitude, une espèce d'addiction à l'adrénaline, au cortisol qui fait qu'on voudrait que ça bouge tout le temps, et c'est très difficile d'arrêter cette machine, parce que on est sans arrêt en train de vouloir que ça bouge, sinon on s'ennuie en gros. Et donc je me souviens avoir fait des promenades en mettant un pied devant l'autre. D'accord. Pendant des heures comme ça, et je faisais des exercices ou de la peinture. Je me concentrais et en fait, la concentration étant un muscle, j'ai remusclé ma concentration. Le burn-out, disons l'épuisement, créant une dispersion, il faut reconcentrer retravailler sa concentration. Et toutes ces choses qui me reconcentraient, moi je connais des gens qui ont fait du crochet, je connais des gens qui ont fait de la marche en montagne, qui ont fait d'autres activités. Du moment qu'on se concentre sur quelque chose, on se calme, et à ce moment-là, effectivement, la nature est propice à un, je dirais, sans bruit, juste les bruits naturels, et c'est propice, et ça repose énormément. D'accord. Et vous faites ensuite une description de ce qui est nécessaire pour se remettre d'une mauvaise, voire d'une très mauvaise passe. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, comme le sommeil, bien manger, etc. Pensez-vous donc, je suppose que oui, mais vous pouvez peut-être un petit peu développer, que tous ces moments d'une journée sont impératifs pour bien se remettre d'un stress chronique sur le plus ou moins long terme, d'autant plus que bien trop souvent, le regard des autres n'aide pas forcément. Non. Je pense que c'est important d'avoir ce qu'on appelle, alors c'est un mot qui peut peut-être surprendre ou peut-être choquer, je ne sais pas, une hygiène de vie. Alors, je ne dis pas qu'il faut vivre d'une manière ascète, je ne suis pas en train de dire qu'il faut vivre cloîtré et tout, mais 3 repas par jour, bien mastiqués, s'habituer à aller au lit d'une manière, peut-être lire avant d'aller au lit plutôt que de regarder des écrans, par exemple. s'habituer à aller se coucher à des heures chrétiennes, on va dire ça, voilà, sous coup des 10-11 heures le soir, se lever de bonne heure le matin, avoir des activités, mais savoir sur son agenda tracer le trait en disant ben là non, ça va être de trop. Cette impression de manquer quelque chose au début se fait sentir, puis après ben non, on opte pour une qualité non plus pour une quantité. Je pense oui qu'une hygiène de vie, c'est des petits rituels comme ça qui font que on reprend un rythme plus humain. D'accord. Et donc, diriez-vous justement que cet épuisement chronique, comme nous le disons tout à l'heure, est en quelque sorte un véritable cercle vicieux dans chaque parcelle, dans chaque domaine de sa vie ? Oui. Je pense que c'est un cercle vicieux parce que, que ce soit toutes ces hormones qui sont adrénaline, cortisol ou dopamine, hein, toutes ces hormones, en fait, nous créent une certaine addiction. C'est-à-dire qu'on a besoin, je l'ai constaté, moi par exemple, si je fais quelque chose avec un groupe, on fait de la musique, ou on fait un spectacle, on fait quelque chose, et après, on ne peut pas aller au lit tout de suite, il faut qu'on se pose, parce que voilà, ça doit tomber un peu. Donc, y a, et puis après, le lendemain, on se dit, oh mais c'est comme si c'était tout vide. Donc il y a effectivement une difficulté à reprendre, on va dire, les choses, à les ralentir, voilà, à ralentir les pensées, les paroles et les actions, voilà. D'accord. Et donc justement, est-ce que vous diriez que cette expérience, que votre expérience avec le burn-out a été pour vous en quelque sorte un mal pour un bien ? Oh oui. Pour moi, c'est même la chose la plus belle qui me soit arrivée. D'accord. Alors, je sais que j'ai eu choqué en disant ça, mais c'est moi, ça a été la chose la plus belle. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'épuisement rend agressif. Bien sûr. Rend extrêmement méchant, comme on n'aurait pas imaginé qu'on pourrait être méchant. Et donc, ça laisse des blessures derrière. Donc maintenant, je suis vraiment heureuse d'avoir dépassé tout ça, d'en avoir pris conscience, d'avoir dépassé, d'avoir eu une seconde vie, une vie différente, de pratiquer l'art de vivre, et puis je dirais d'être bienveillante avec moi et de pouvoir être bienveillante avec les autres. Et ça, c'est le bonheur de, je dirais, de la vie humaine. Donc justement, à la fin de votre livre, vous résumez le tout en trois notions, essentielles. L'humain est imparfait, nous ne sommes pas des machines. La planète, nous l'empruntons à nos enfants, et être bienveillant envers soi-même est la solution pour sortir du burn-out. Donc si vous deviez faire passer un message, ce serait vraiment ces trois notions-là que vous passeriez ? Oui. La première, en sorte, il y a des fois des gens qui me disent « mais je ne peux pas faire autrement ». Ça, je l'explique aussi dans le bouquin. Quand vous leur posez la question, vous vous rendez compte que c'est des obligations intérieures, donc ils pourraient faire autrement. Donc on n'est pas des machines, alors on arrête de temps en temps, on se pose. De toute façon, même des machines, on les poserait, elles surchaufferaient autrement. Donc ça, et on est imparfait, dans le sens on ne peut pas toujours faire le mieux du mieux du mieux du mieux. Non, c'est bon. Donc ça, c'est essentiel, effectivement. La planète, on l'emprunte à nos enfants, oui, parce que ce qu'on développe actuellement, parce qu'on a eu une pandémie de Covid. Moi, je ne veux pas être, voyante, hein. Ce n'est pas du tout mon ambition. Mais une pandémie de burn-out, je la vois bien. Ah oui. Donc, qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants ? Donc, on l'emprunte. Donc, il faut qu'on soit conscient de ce qu'on est en train de développer actuellement. On développe des choses, donc on doit aussi développer la bienveillance avec soi, la bienveillance et la création d'un monde nouveau, parce que les pandémies, y compris le Covid, c'est quand même parce qu'on exploite trop la planète. Donc, à un moment donné, je pense que oui, c'est important d'intégrer cette notion, que ce qu'on fait aujourd'hui a une conséquence sur nos enfants. D'accord. Et puis, ben, la bienveillance avec soi-même, oui, à mon sens, je dirais ça, et c'est pas un conseil, je dirais ça comme une affirmation. Oui, c'est une porte pour sortir de l'épuisement, du burn-out. D'accord. Donc, il est 14h50. Avant de nous quitter, je vous propose de nous lancer dans une troisième et dernière fréquence que vous avez choisie à nouveau, Olivier Dicari, avec son titre « La ronde des ballons ». Donc, on écoute ce titre et on se retrouve juste après pour la suite et pour déjà la fin de cette émission. Donc, à tout de suite sur Radio Gémozo, juste après Olivier Dicari et son titre « La ronde des ballons ». Tout point de l'univers. en été comme en hiver. C'est une course incessante comme une danse innocente. Par milliers et par millions, en un immense tourbillon, tourne, tourne, tourne boule, minuscule petite boule. C'est la ronde des ballons, ballons ronds, tourne, tourne, tous en rond, ainsi font. Dans un coin de l'univers, un jour s'est mise à l'envers. Tourne, tourne à contresens, elle est sortie de la danse. Une boule rébellion de mémoire de tourbillon. Jamais on n'avait vu ça, une boule à contrepas. C'est la ronde des ballons, ballons ronds. Tourne, tourne, tous en rond, ainsi font. Boule qui tourne à l'envers, petit ballon bleu et vert. N'entends-tu pas la défense, pleurerons-nous ton absence. Par milliers et par millions, entends les autres ballons qui te conjurent, petite boule, de revenir dans le pas. C'est la ronde des ballons, ballons ronds, tourne, tourne, tous en rond. Ainsi font. En tout point de l'univers, en été comme en hiver, c'est une course incessante comme une danse innocente. Tourne, tourne, tourne boule, minuscule petite boule, par milliers et par millions, en un joyeux tourbillon. Olivier Dicari avec son morceau La Ronde des Ballons sur Radio Guémozo. Vous êtes de retour et vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur nos applications mobiles et web, Radio Line et Orange Radio partout en France. Il est 14h54 et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux à Saint-Étienne-lès-Remiremont de Maddy Besson qui est là pour nous parler de son livre Je comprends, il était une fois le burn-out et moi. Tout est toujours bon pour vous ? Oui, tout est toujours bon. Parfait. Donc, même question qu'auparavant, pourquoi cette pause musicale ? Alors je trouve très doux et très bienveillant. Et je trouve que pour terminer l'émission, c'est quelque chose de bienveillant. Cette terre, cette ronde des ballons, voilà. Il parle, Olivier est un ami aussi, il parle de cette terre qui tourne, de ce ballon rond. Et je trouve ça très, très doux, voilà. D'accord. Donc nous l'avons annoncé avant cette pause musicale, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Y a-t-il quelque chose que nous n'avons pas encore abordé mais qui mériterait absolument de l'être ? Alors, non, je pense qu'on a abordé tous les sujets et que maintenant j'invite les personnes qui veulent lire ce livre de se rendre sur le site ralentirpourvivre.org où ils peuvent l'acheter en direct. En cliquant sur l'icône par Hello Assos, parce que nous participons avec Hello Assos, et donc je le renvoie volontiers où qu'il se trouve, voilà. Mmh. Surtout que le petit livre est très abordable, il coûte que 10 euros. Oui. Donc tout le monde peut se permettre de dépenser 10 euros dans un livre, surtout dans un livre de cette qualité qui apprend plein de choses sur le burn-out et voilà. Ou que vous racontez votre vie dans lequel on est vraiment très pris dans l'histoire, même si c'est pas une histoire, c'est votre vie. Ah. Donc voilà. Voilà, c'est la seule chose que je rajouterais, qu'effectivement on les envoie par la poste et si c'est dans un rayon autour d'Épinal et de Livoire, je les porte volontiers. Voilà. D'accord. Et donc si vous auriez un dernier mot à passer à nos auditrices et nos auditeurs qui nous écoutent actuellement, qu'ils soient en situation de burn-out ou non, ou qui connaissent quelqu'un d'ailleurs, un ami, un membre de la famille, ou un de leurs collègues, ou que sais-je encore, quel serait le message que vous leur passeriez ? Alors, de l'écoute, de l'échange et de permettre à cette personne de s'exprimer. Alors, à ce sujet, je dois dire qu'on va démarrer sur Facebook, on a une page, Ralentir pour vivre, on va démarrer des soirées visio où les gens pourront venir échanger. Échanger et puis, effectivement, peut-être faire un peu, je dirais, ce MeToo. Voilà, moi aussi je suis là-dedans. Alors on va pas leur donner des solutions, on va pas leur donner, mais je pense que dans le cadre de, même qu'on y soit ou qu'on ait quelqu'un ou qu'on sache pas vraiment, mais en fait qu'on est tiraillé par cette idée, je pense que le dialogue, l'échange, la communication sont importants. Pas qu'ils racontent toute leur vie, mais de dire, ben oui, voilà, moi, déjà de se le dire à soi-même et de le dire aux autres, c'est déjà une étape. D'accord, avec le micro allumé, c'est mieux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Je suis une femme déjà comblée pour l'instant. Parce que j'ai une qualité de vie qui fait que ben, j'ai des problèmes comme tout le monde. Hein. Je ne suis pas en train de parler... j'aime bien André Comte-Sponville qui disait le bonheur... qui a écrit un livre qui s'appelle Le bonheur désespérément et qui, en fait, le bonheur, on le trouve quand on ne le cherche plus. D'accord. Je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait... moi, je suis arrivée à un point où, effectivement, maintenant, si je sens que j'ai un petit stress qui se met un peu dans la durée, je me dis, oulala, on se calme, on se rentre, on se calme, terminé, on repart un peu en arrière. Donc, j'ai, si vous voulez bien, maintenant, un fonctionnement qui fait que j'ai plus de confiance en moi. D'accord. Mais ce qui me ferait plaisir, c'est de pouvoir défendre cette cause par rapport à des gens qui en souffrent énormément. Voilà. Moi, personnellement, je n'ai pas de besoin réel. D'accord. Donc c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Je vous remercie une nouvelle fois, Maddy, d'avoir accepté mon invitation. Cette émission sera rediffusée demain, mardi, à 18h, avec le podcast de cette émission posté demain sur notre page Facebook dans la journée. Si vous voulez, je pourrais même vous envoyer l'émission par mail, si vous voulez la récupérer. Moi, je tiens à vous remercier particulièrement. Ça a été vraiment très agréable d'être reçu dans vos locaux. L'interview a été vraiment intéressante. Et puis, ben, je ne savais pas ce que vous alliez me demander, mais je vous remercie beaucoup, y compris de la lecture du livre. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Et je prends le compliment. Donc, bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Guémozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. En attendant, je vous laisse avec Gérard et Salut les 60 d'ici quelques minutes à 15h qui nous parlera de Ronnie Bird, chanteur de rock français qui a enregistré entre 1964 et 1969 une dizaine de 45 tours et un album 33 tours. Quant à nous, nous nous retrouvons demain à 14h, toujours en direct, pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai par téléphone, toujours dans le cadre du partenariat qui existe entre Radio Guémozo et l'agence d'artistes Le Bureau de Lilith, Ehringer, qui sera là pour nous parler de sa carrière de chanteur, mais aussi de son nouvel album, livre illustré, pardon, intitulé Dreamers Forever, juste de moi avec l'expression anglais Dreamers Forever, que l'on peut traduire en français par « Rêveur pour toujours », sorti le vendredi 5 février dernier. Donc voilà, vous connaissez un petit peu le programme. Donc merci de votre fidélité à Radio Guémozo, et je vous dis à demain. Donc salut et à demain.